Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des Nous où on va parler de Doki Doki Littérature Club Plus. Ouh! Doki Doki Littérature Club Plus est une version retravaillée payante d'un jeu gratuit, Doki Doki Littérature Club. Contrairement à la version d'origine, il est aussi sur console, j'y ai joué sur PS4. C'est un visual novel qui se présente à la manière d'un dating sim, mais qui est un peu plus que ça. Je ne donnerai pas une définition de ce qu'est un dating sim ou un visual novel, j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur Clannad et surtout Plains Importants. Je ne crois pas que ce soit un bon jeu pour découvrir le genre. On incarne un gars qui intègre un club scolaire de littérature. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà, la participation à un club parascolaire est une partie intégrante de la vie japonaise au secondaire. Les quatre autres membres du club sont des filles qui ont chacun leur personnalité, qui semble pas mal dans le style habituel que l'on retrouve dans les dating sims japonais, ainsi que dans les séries animées de type harem. À quelques moments du jeu, on a un peu de choix comme dans quel ordre interagir avec les personnages ou qui l'on préfère aider à un événement, mais la principale interaction du jeu est un mini-jeu où on doit composer un poème ou dans les faits juste choisir un mot parmi une liste de mots en essayant de choisir les mots qu'apprécierait plus l'une ou l'autre des filles. Mais la principale caractéristique de ce jeu est que ce n'est pas juste un visual novel japonais avec un côté dating sim, comme tant d'autres, le jeu détourne le genre pour en faire une expérience différente. Au fur et à mesure que le jeu avance, on se rend compte que les personnages sont un peu plus perturbés qu'on le croit, mais surtout, le jeu joue avec les particularités du médium, il devient méta et assez expérimental. Le genre d'expérience qui peut surprendre énormément quand on ne s'y attend pas, ça doit être sans doute plus affectif sur ordinateur que sur console. Ça m'a sans doute moins choqué que ça aurait pu, si ce n'est de mon expérience passée avec plusieurs autres jeux gratuits plutôt étranges, comme Légende inachevée, Orange Salvafic, ou Dark Souls.ace2, mais j'ai bel et bien saisi l'émotion qui en fait un jeu très intéressant, assez unique dans sa construction, mais cela a tout de même une conséquence négative. En général, les visual novels ont un paquet de fins et un tas de trucs pour obtenir la vraie fin. C'est un peu le cas ici, mais de manière totalement différente. Une fois qu'on a réellement terminé le jeu, après le générique, si on débloque des choses en refaisant le jeu, c'est vraiment très secondaire de manière générale, comme dans tous les visual novels. Pour débloquer, on a vraiment besoin d'une soluce, mais il faut absolument terminer le jeu au moins une fois avant et se rendre jusqu'au générique. Le principal ajout de la version plus du jeu est l'ajout de side stories qui forment un préquel, dont l'une a même un autre générique que l'on débloque en les regardant et en jouant au jeu. Cela est intéressant, mais ce n'est certainement pas le cas de ce que l'on débloque d'autres ensuite. Des images et des musiques, quelques courriels et quelques dialogues un peu différents dans le jeu. Plus on débloque, plus l'intérêt de ce que l'on débloque semble sans intérêt, surtout que certaines des choses à faire pour débloquer le tout sont un peu chiantes. Ce qui peut démontrer la liste de la chose Ce qui peut démontrer la limite de la chose est quand on parvient à débloquer la vraie fin, qui est simplement un dialogue un peu différent à la fin, un ajout qui n'ajoute vraiment rien au jeu. Si jamais vous êtes assez fou pour décider de faire le jeu à 100% comme je l'ai fait, je me demande bien pourquoi, surtout que ce n'est pas le genre de choses que j'aime faire. Je vais vous donner quelques informations utiles en restant vague. L'un des trucs à débloquer se fait avec l'or, mais ce qui est indiqué généralement dans les soluces a provoqué chez de nombreux joueurs sur console l'effacement de, de sa sauvegarde. J'y suis allé personnellement de manière naturelle. Le nôtre demande quelque chose de super chiant durant une fin de semaine. Le jeu ayant planté plusieurs fois sur ma PS4 dans ce moment, je recommande de sauvegarder de temps à autre, et même si on a réussi à tout faire, il est possible qu'on se retrouve à 98-99%. Quand c'est arrivé, j'ai fait une recherche internet, je suis tombé sur une vidéo YouTube parlant d'un truc avec la musique que j'avais déjà débloqué, mais en faisant le truc mentionné, jouer en boucle l'avant-dernière musique jusqu'à entendre une version déformée, je suis passé à 99%. J'ai eu 100% en terminant ma partie, regardant un courriel et recommençant une autre partie. Ce jeu est très intéressant, mais pas aussi parfait qu'il aurait pu être. Je lui donne donc une note de 4 sur 5. Une expérience intéressante. Au revoir. Et à bientôt.